Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi ce samedi 30 août 2025 et vous vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et même sur DAB+. Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Didier, moi-même aux manettes, et Christian. Et donc Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Oui, Florent, de quoi nous parlons aujourd'hui ? Bon, de plein de choses en fait, puisqu'on a trouvé, en préparant cette émission, tous les trois, on a trouvé qu'il y avait de l'actualité à dire, et on a choisi 7 sujets qui sont différents. Et on va parler de l'université d'été, des mouvements sociaux, on va parler de la mort au travail, ça existe, de la loi du plomb, bien sûr, on ne pouvait pas louper, non plus que le 10 septembre. Et puis, on va parler forcément du Moyen-Orient, et de deux façons d'ailleurs, et ensuite, une façon plus proche de chez nous, et puis, comment pouvait-on éviter de parler du projet de budget 2026 de Beyrouth. Et voilà donc, le programme. Et donc, Christian, qu'est-ce que tu faisais le week-end dernier à Bordeaux ? Ah, oui, le week-end dernier, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Une question inquisitrice. sérieusement, j'étais avec pas mal de monde à l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. C'était un moment intéressant à l'université de Bordeaux. Assez bien organisé, j'y reviendrai. C'est un moment quand même assez d'unité sociale, populaire, et puis de solidarité universelle. J'ai rencontré pendant pas mal de temps des représentants du Congo, des opposants au régime, évidemment, du Congo. Non, ça a commencé par une... Alors, ça a commencé très fort, je vais dire, puisque ça a commencé par une assemblée plénière, où il y avait effectivement Yuli Yamamoto, donc le porte-parole d'Attaque, et des représentants du CRID. Et j'ai dit qu'il commençait très fort, tout simplement parce que lorsque on est arrivé à l'heure, l'amphi était plein. Et donc, il n'y avait plus que de... il n'y avait plus que d'amphi à côté, manque de boule, sans la traduction. Ça ne marchait pas. Il y avait effectivement des représentants de pays étrangers, notamment des Britanniques et des Espagnols. Voilà, donc ça c'était fort. Et puis il y a aussi ce qui est fort important là-dedans, c'est l'organisation. Et l'organisation, on la doit essentiellement à deux groupes d'attaque d'ailleurs. Un groupe qui est celui d'attaque nationale avec Annick Coupé, qui est la maîtresse de maison pour l'opération, comme elle a été d'ailleurs à Nantes et comme elle est tous les ans pour les universités d'été. Et puis le groupe, je ne sais pas si c'est des gens d'attaque, mais je crois que oui, mais des gens d'attaque Gironde, en fait, qui ont fait un travail remarquable, je trouve, d'organisation. Ça, c'était vraiment, de ce côté-là, très sympa. Et puis, bien sûr, il y a des stands, plein de stands, tout un long couloir, avec stands d'attaque, évidemment, mais bien d'autres. Elle était là, la LDH, était là... J'étais très content de voir, pour une fois de visu, si je peux dire, Éric Toussaint, donc du CADTM, avec qui on a pu reparler un peu de la Grèce et de son travail sur les dettes de la Grèce, dettes illégales, dettes illégitimes, dettes frauduleuses, enfin, etc. Et il y avait, qu'est-ce que je vis d'autre aussi ? Oui, une place importante, d'ailleurs, j'y reviendrai certainement le 20 septembre. Il y avait aussi une place importante à la, vous allez rire, mais à la presse pas pareil. C'était présenté comme ça par le stand de Politis. Et puis un autre, j'ai découvert, là je suis un peu honteux parce que ça existe depuis des années, mais tu connais toi Didier, c'est la revue... Silence. Silence, oui, qui est une vieille revue écologiste radicale, mais enfin avec des solutions pratiques qui sont amenées à chaque numéro. Oui. Et c'est bon, c'est quand même un journal qui existe depuis longtemps et qui fait son petit bonhomme de chemin sans publicité et sans trop de tapage. Donc on leur souhaite bon vent. Oui, il y en avait plein de numéros. On a acheté l'avant-dernier numéro pour pouvoir prendre, pouvoir acheter le numéro puisqu'il est vendu en kiosque en fait. Le dernier numéro uniquement sur l'univers carcéral. C'est à l'air assez costaud sur les propositions que tu disais, sont tout à fait intéressantes. Dernier aspect, évidemment, j'étais là aussi pour quelque chose, à cette université d'été. Avec Monique, on était là pour parler de la gratuité des transports publics avec notre association internationale, sans d'abord plus tard, l'Union pour la gratuité et le développement des transports. On insiste beaucoup, effectivement, sur le développement des transports et un travail que j'ai fait sur Dunkerque, sur les 10 ans de budget de la communauté urbaine de Dunkerque, montre que on a raison de dire, dans notre groupe, là, on a raison de dire qu'il faut, avant les gratuités, il faut développer un certain nombre de services possibles, c'est-à-dire un nouvel aménagement, des aménagements pour l'accueil, donc le confort des passagers, y compris à l'extérieur, le confort des passagers à l'intérieur aussi, ça c'est des bus de nouvelle génération, et puis les pistes cyclables également, parce que on se rend compte que, contrairement ce que disait un certain Frédéric Errand, puisque le bus est gratuit, les gens ne vont plus marcher, ne vont plus faire de vélo, bah c'est faux. En fait. C'est presque l'inverse, puisque maintenant, je crois qu'à Dunkerque, c'est pas partout, hein, mais à Dunkerque, on peut mettre le vélo dans le bus. En tout cas, ça existe, en tout cas à Bordeaux, pour certaines périodes de la journée. Et puis, je crois que c'est en Allemagne où il y a un tramway. Dans le tramway, il y a un wagon spécial pour les vélos. Donc, voilà, donc on est loin du compte. Mais juste une petite question, est-ce que les réaménagements de réseau et les modernisations de réseau, ça ne va pas amener la gratuité un peu au calendrier grec? Enfin, c'est quand même un risque. C'est effectivement, tu as raison, tu as parfaitement raison. On pourrait toujours... Mais c'est aussi... on va vers la gratuité en faisant du social d'abord. Hein. Là aussi, on reporte s'inédié. Mais c'est une question importante, hein, effectivement. Je vois que à Dunkerque, ils ont... on voit se cumuler les investissements juste à partir de 2014 jusqu'au 2018, là au 1er octobre ou 2018 où le transport était gratuit, mais après ça baisse effectivement, mais c'est pour tout dire, c'est vraiment un acte politique, quoi. Mmh. Un acte politique qui engage la métropole, parce que dans une métropole où le budget général est autour de 600 millions, 700 millions, 650 millions, 700, le budget transport est toujours le deuxième budget, quoi. Hein, donc ça veut dire que c'est bien un acte politique dont il s'agit. Voilà, donc l'atelier gratuité, alors là c'est dommage parce qu'on n'a pas eu trop de monde, il y a eu des choses... où il y a eu beaucoup de monde sur les forêts, par exemple. C'est dommage parce que l'organisateur Jérôme, là, d'Attaque Grenoble, avait fait très fort, puisqu'on a eu un duplex avec Belgrade et Londres sur la gratuité des transports. Malheureusement, comme je ne suis pas à l'aise en anglais, j'ai dû me taper la traduction Google et c'était assez catastrophique. Et donc... Mais il était intéressant de noter que dans un pays comme la Serbie, la gratuité, ça n'intéresse pas trop les gens. Ils sont vraiment dans l'idée, si on pouvait avoir notre logement à nous, voilà, ils vivent une nouvelle période. En Angleterre, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier par rapport à la France, c'est que les trade unions, les syndicats anglais sont complètement pour la gratuité, ce qui est loin d'être le cas en France et notamment chez nous, quoi, la métropole. Voilà, ben que dire d'autre ? Moi, une organisation nickel, hein, et puis un temps évidemment super. Les food trucks étaient là. La bière était pas mauvaise non plus. Mais pas, voilà. Pas de vin de Bordeaux, non ? Non, il n'y avait pas de vin de Bordeaux, non. C'est quand même très écolo, hein, faut le savoir. Voilà. Et bon, on va passer à la suite. On va parler du 1er mai, mais le 1er mai, il n'y a pas que le défilé traditionnel. Oui. Alors, le 1er mai, je vais être un peu solennel, là, le 1er mai 2025, à 9h30, devant le CPAM de Lille-Douai, donc rue Diéna à Lille, une quinzaine de personnes sont réunies. Parmi elles, les députés de la première circonscription de Lille, représentés par sa suppléante Laurouya Hadouche, de la deuxième circonscription, la personne de Hugo Bernalicis, et d'un député européen, Anthony Smith. Des représentants syndicats de la CGT et de FO, et des représentants locaux des associations LDH et ATTAC. Une gerbe est déposée, une minute de silence, il y a un discours, plusieurs discours d'ailleurs. L'initiative de cette cérémonie vient de l'AMMT, l'Association pour la mémoire des morts du travail, qui a été créée en 2023, dont l'objet est tout à fait explicite, la mise en place d'un lieu de mémoire destiné à commémorer le souvenir des morts, des travailleurs morts du travail et des victimes des conditions de travail pathogènes. C'est l'article 2 des statuts. Cette année, comme l'année dernière, le lieu de mémoire symbolique, comme la date l'est, a été le parvis de la CPAM. Alors pourquoi ça ? Eh bien, les gens qui ont créé cette association, donc l'Association pour la mémoire des morts du travail, sont constatés, comme ça se fait beaucoup, que les morts du travail, ce n'est pas seulement un simple fait divers. Et on dénombre... En 2023, par exemple, qui a eu 759 morts au travail, et contre 738 un an plus tôt, soit 2 morts par jour en moyenne au travail. Il faut ajouter à cela les accidents de trajet pour aller au travail et les morts liées à des maladies professionnelles, 196 décès en 2023. Voilà. C'est cela aussi, l'invisibilisation des morts du travail. Et je vous invite à lire quelqu'un qui s'appelle Pierre Lascourme. Le titre de son... C'est sur AOC. Hein. Le titre de son article, c'est « L'invisibilisation de la mort au travail ». Et puis en plus, pourquoi je me suis penché sur cette question cet été ? Parce que bien, l'été a été accablant aussi pour les conditions de travail. Vous vous souvenez peut-être, un apprenti maçon de 15 ans a été percuté par un engin de chantier à Nice. Axel, un lycéen de seconde en stage d'observation, a été tué par la chute d'une palette à Saint-Lô. Lucas, 17 ans, a fini par succomber à Lyon après avoir eu le corps compressé par une poutre métallique. Il devait passer son bac pro l'année prochaine. Voilà, trois mineurs morts au travail en 2 mois sur leur lieu de stage en entreprise. Voilà ce qui s'est passé aussi. Et puis, pas seulement, il y a aussi la chaleur. Le 1er juillet à Besançon, un ouvrier de 35 ans qui souffrait de la chaleur sur un chantier est décédé dans la camionnette qu'il ramenait au travail d'un arrêt cardiaque cardio-respiratoire. Le 2 juillet, un autre ouvrier du BTP, 51 ans, décédé à l'hôpital après un malaise sur un chantier sur le stade bien connu d'Auxerre, la JOCR. Et donc, voilà, tout ça est de la responsabilité des pouvoirs publics, tout ça est de la responsabilité des entreprises, bien entendu. Voilà. Et puis, en fouillant, en faisant cette fouille macabre, je découvre, mais peut-être l'avez-vous su, moi j'étais complètement passé à côté, une vague de suicides a secoué la Direction Générale des Finances Publiques. Depuis le 1er janvier, 12 personnes dépendant de la Direction générale des finances publiques se sont suicidées à travers la France et 8 autres ont tenté de le faire. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de raison. Ça nous rappelle un peu les grandes heures de France Télécom à la fin des années... Oui, des oui, années 2000, hein. Oui, effectivement, tu as dû ressentir des choses pas loin, en effet, Didier. Voilà, il n'y a pas de raison de mourir au travail, évidemment. Ce n'est pas un hasard si la France de Macron se distingue dans ce macabre comptage des morts. La manifestation de 2023 pour refuser l'augmentation de l'âge de la retraite parlait de ça aussi. En créant cette association, nous voulions que les victimes du travail ne soient pas oubliées. Le comité local de Lille est membre de l'association pour la mémoire des morts du travail. Oui. Un autre sujet, vous avez peut-être entendu parler de la loi Duplomb. Et elle a été censurée, Christian, la loi Duplomb, du coup ? Elle a été censurée d'une certaine façon. Didier va en parler mieux que moi. Oui, c'est-à-dire qu'on a, bon, d'abord, dire un peu qui est ce Laurent Duplomb, donc, qui est un sénateur de la Loire, bon, qui était dans l'industrie laitière, et c'était aussi un syndicaliste de la FNSEA. FNSEA, qui est un syndicat agricole, mais qui est aussi un puissant lobby, qui a quand même... généralement qui copine avec le ministre de l'Agriculture et qui fait passer pas mal de ses volontés. Donc bon, pour en revenir à la loi Duplomb, on sait à peu près ce qu'elle contient. Enfin, c'était surtout sur la possibilité des méga-bassines. C'était aussi évidemment le rôle de l'ANSES, de l'Office français de la biodiversité. C'était des mesures pour les élevages intensifs et l'agro-industrie. Et c'était peut-être et surtout la réintroduction de l'acétamipride, donc un néonicotinoïde, c'est difficile à dire tout ça, mais qui, il y a eu quand même une pétition citoyenne adressée à l'Assemblée nationale, donc cet été, qui a atteint, je crois qu'on en parlait dans la dernière émission en juillet, pétition qui a atteint en quelques semaines plus de 2 millions de signatures. Donc ce genre de pétition, qui était intitulée d'ailleurs « Pour la santé, la sécurité et l'intelligence collective », pétition qui peut donner lieu à un classement sans suite, au pire, ou à un débat qui doit faire l'objet d'un rapport parlementaire avec des commissions ad hoc qui doivent étudier quand même le motif de la pétition et si c'est recevable. Donc quand on nous répète que les pétitions, ça sert à rien, là aussi, il faut quand même... relativiser. Oui, alors effectivement, moi, je rappelle à chaque fois, parce que ça me semble vraiment important, 2 millions de signatures, ça en cache beaucoup d'autres, en fait, hein, parce que ces signatures, fallait les chercher, hein, il fallait passer par contact, machin, là, et donc il y avait tout un effort à faire pour signer cette pétition. Alors bon, la pétition a certainement fait, ils ont quand même pris conscience qu'il y avait un rapport de force. Donc le Conseil constitutionnel qui était amené à se pencher sur la loi a censuré l'article 2, donc l'article qui portait justement sur la fameuse acétamipride, mais aussi une partie de l'article 5 qui était plus sur les méga-bassines et le stockage de l'eau. Donc ça a été quand même une demi-victoire, on va dire, parce que bon, il reste quand même pas mal de points qui demeurent dans cette loi, qui sont pas tristes. Hein. Bon, il y a quand même même si le stockage de l'eau, l'implantation des méga-bassines est un peu freiné, ça a déjà été contesté, donc dans les Deux-Sèvres et ailleurs, par des éco-terroristes, comme dirait Monsieur Darmanin. Ouais. Mais bon, maintenant, il faudra quand même le stockage de l'eau doit être conditionné à un intérêt général majeur pour les ouvrages de stockage. Bon, intérêt général majeur, on a déjà entendu parler de ça pour la 69 et d'autres initiatives. Donc, encore une fois, méfiance. Bon, il y a aussi des réformes dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation de l'environnement au travail, l'ANSES, et aussi l'Office français de la biodiversité, donc ça reste, avec pour leur sécurité et satisfaire aux exigences des agriculteurs rétifs qui voient souvent dans l'action de ces agents des abus de pouvoir. Donc, ils sont occupés de caméras et de matériel d'enregistrement. Et enfin, c'est peut-être le plus important, sans être le plus commenté d'ailleurs, il y a des mesures concernant les élevages intensifs et l'agro-industrie. C'est peut-être là que c'est le plus dangereux. Donc, on permet d'agrandir ou de créer des bâtiments pour l'élevage intensif en relevant les seuils à partir desquels les élevages porcins ou avicoles seront soumis à des procédures d'évaluation environnementale en raison de leurs émissions. Ce ne sera pas du luxe. Ce qui veut dire en clair que les élevages intensifs du genre 1000 vaches contre lesquels on s'est battu à d'autres époques et autres centres concentrationnaires n'auront plus trop à craindre des opposants. Donc, on a un gouvernement qui ne cesse de parler de ces agriculteurs qu'on empêche de produire et de faire face à la concurrence de plus en plus rude. Donc, des agriculteurs qui nourrissent une société civile de plus en plus critique face aux dégâts environnementaux, cette agro-industrie, sans parler évidemment du bien-être animal. Donc, il y a d'autres voies possibles, et c'est nos amis de la Confédération paysanne en ont suffisamment parlé à ce micro et ailleurs. Donc voilà, la loi du plomb a été quand même en partie censurée, mais ce n'est pas pour ça que le reste de la loi n'est pas à combattre. Et pour le combattre, il y aura cette fameuse, on en parle de plus en plus, la manifestation du 28 septembre, donc qui est organisée par une plateforme climat justice liberté. Donc ça aura lieu le 28 septembre. On n'a pas encore de lieu, mais c'est partout en France. Donc ça s'appelle la marche des résistances, avec donc la plateforme Action Climat des Hauts-de-France qui donne rendez-vous pour une grande marche dans la région, donc le dimanche 28 septembre. On se tient prêt pour essayer en tout cas de remettre en question les mesures qui sont passées de cette loi du plomb, qui est vraiment un désastre, le catalogue des horreurs écologiques sur lesquels on doit toujours se mobiliser. Oui, en même temps, on est un peu optimiste parce que la réaction, populaire, a été quand même assez importante. Maintenant, on sait aussi qu'on a des gouvernants qui s'assoient assez facilement sur les revendications. Est-il besoin de parler des manifs pour la retraite, pour les retraites, contre le projet de réforme de retraite, bien sûr. C'est quand même un événement citoyen parce qu'on a, on n'atteint pas comme tu l'as dit, on n'atteint pas les 2 millions de signatures comme ça sur un claquement de doigts, d'autant que la pétition n'était pas si facile que ça à signer. Donc ça remet en question tout cet état d'esprit qui veut nous dire que les gens sont résignés, que tout passe, mais il y a une certaine lassitude, même du mouvement militant. Ce genre d'initiative, ça prouve quand même que les gens sont debout et prêts à lutter. Autre mobilisation, le 10 septembre, on en parle beaucoup. Et donc, d'où vient cet appel au blocage et à l'autoconfinement ? Alors, le 10 septembre, Monsieur François Bayrou avait présenté son budget, donc le budget qui a été largement commenté et contesté. Donc c'était à la mi-juillet. Et on va le refaire d'ailleurs. On va le refaire, ouais. D'ailleurs, il y a une partie de l'émission qui est consacrée au budget. Mais sur le 10 septembre, il y a eu un appel qui est venu d'une messagerie TikTok, pour ne pas la citer. Donc c'était un groupe qui s'appelle Les Essentiels, un groupe plutôt souverainiste, d'après ce qu'on a pu en dire. Simplement, ça n'en est pas resté là. Au départ, il parlait d'autoconfinement, c'est-à-dire d'une journée où, à la limite, il n'y aurait pas eu d'achat, il n'y aurait pas eu de mouvement de carte bancaire, où on serait pas allé au travail, où on aurait, une journée pays mort, quoi, comme il y a eu des journées ville morte. On arrête tout et c'est pas on triste. On arrête tout et c'est pas triste, comme disait l'ami GB. Et petit à petit, de cette journée d'autoconfinement, on a parlé de bloquons tout, enfin de blocage du pays. Donc, mais le mouvement n'est pas resté cantonné aux essentiels. Ça a été repris par pas mal de messageries, aussi par une partie de l'extrême droite, notamment le Bastion Social, l'ex-Gude, mais aussi par beaucoup d'anciens gilets jaunes et de militants de gauche et d'extrême droite, et même de syndicats, donc syndicats de salariés, avec un élargissement à des questions, même si les questions sociales étaient déjà présentes, il y a eu un élargissement à des actions, donc critique du budget bien sûr, mais aussi des propositions pour justement en finir avec cette avec les ce que propose le gouvernement, ce qui est vraiment nocif au niveau social. Donc voilà, des syndicats de solidaires ont embrayé sur cette date du 10 septembre. Il y a aussi des fédérations de la CGT qui ont appuyé. Il y a eu une pétition du journal Regard qui a, avec des centaines de signatures, bon, qui a tiré un peu le mouvement vers des revendications de la gauche radicale. Et la date du 10 septembre a commencé à faire vraiment parler d'elle. Notamment, enfin, on a commencé à en parler aussi dans les journaux télévisés, bon, avec un peu ce qu'on avait dit sur les Gilets jaunes, hein, que c'était un mouvement nébuleux, un mouvement pas clair, un mouvement qui entraînait un peu des... Enfin, qui est... Un mouvement qui était potentiellement violent, enfin, il y a eu tout ça. Et donc, est-ce que c'est une étincelle, un coup de sonde, un simple épiphénomène? Donc, le mouvement va encore souffrir de son manque de structuration, d'organisation et de son refus obstiné, bon, comme on a vu avec les Gilets jaunes, de délégation et du porte-parole, donc ce sera le rôle des syndicats et des associations d'apporter clarification idéologique et revendication sociale. Malheureusement, bon, malheureusement ou heureusement, les syndicats se sont prononcés en intersyndical pour une autre date qui est le 18 septembre. Donc on considère que le 10 septembre, ça sera le coup d'envoi et que le 18 septembre, ça sera un prolongement avec, si possible... Il y en a qui parlent même de grève reconductible entre les deux dates. Bon, on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, tout ça nous promet quand même un automne chaud et c'est en tout cas une opportunité à saisir. Donc, voir ce qui va se passer le 10 septembre. Il y a déjà un rassemblement qui est prévu, porte de Paris à 14h30. Le 18, il y aura aussi un appel à manifestation et à grève. Donc... Tout ça reste à suivre. Il y a eu quelques assemblées générales qui ont eu lieu au parc aux Grilles Rouges, parc Le Bas, où on a quand même pas mal discuté de cette date du 10 septembre qui a vraiment fait l'effet d'une mobilisation émergente et qui est devenue un enjeu important. Et hier soir, c'était à l'usine de Fives, à cause de la pluie, effectivement. Ouais. Donc, il y a effectivement pas mal de gens qui se prononcent et qu'il y a vraiment très revendicatif et apparemment assez actif donc, parmi les gens que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi, il faut le savoir, quand même la France Insoumise qui a soutenu le mouvement du 10 septembre depuis le début. Quoi. C'est la seule formation politique qui l'a fait. Et donc dans ces réunions, qu'est-ce qu'ils parlent comme type d'action? Est-ce que ça reste toujours la grève, le ne pas consommer Ben, c'est ça, oui, plutôt, pour l'instant. Même la grève, c'est pas sûr, mais il y a la volonté de faire quelque chose. Quoi, et c'est pas très organisé. J'ai le sentiment que j'avais, quand j'ai vu ça il y a 15 jours maintenant, j'ai l'impression que c'était un peu les nuits debout. Quoi, hein, on parle un peu à tort et à travers, mais ça fait rien, on est là et on sent qu'il y a des volontés de faire quelque chose. Quoi. C'est pas... On a retrouvé d'ailleurs le mot indigné qui revient souvent. Ah. C'était le livre de Stéphane Hessel. Bon, il y a quand même un bouillonnement qui ressemble à ce qui s'est passé dans les années 2011 et ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et là, pour une fois, bon, les syndicats ne sont pas attentistes. Regardez ce qui se passe. Beaucoup de syndicats se sont prononcés pour cette action, une action qui reste encore à définir. Parce que bloquer le pays, ça implique quand même des grèves et des blocages. Bon, on ne peut pas quand même faire ça depuis chez soi. Ça concerne quand même les entreprises et Les transports, la CNCF, l'électricité ou des choses comme ça. Et c'est là un peu que le bât blesse, quoi. On sent pas trop... on verra bien... Après, nul ne peut prévoir ce que ça sera, mais en tout cas, c'est quand même une initiative à suivre. On ne va pas louper ce rendez-vous, c'est sûr. Non. On va faire une petite pause musicale. Ah ben, volontiers. Ils garent leur train de vie royale pendant qu'on gratte des centimes sans idéal. Le peuple trinque, font des festins, toujours à l'abri, loin du quotidien. Ils font les lois, mais s'en foutent bien de nos galères, la vie de ceux qui ne sont rien. Leur monde doré n'a pas de faille, tandis qu'on rame sans voile ni taille. Le budget cogne comme un coup de masse, ça vise les faibles, jamais la classe. Toi qui charbonnes, t'as rien en poche, eux en pile pendant qu'on décroche. Du bout du pain, au bout du mois, c'est marche ou crève, c'est ça leur choix. On plie les chines, eux lèvent se propage. Un cri brut, un vrai naufrage. Fini les courbettes et les silences. C'est l'heure du bruit, c'est l'heure qu'on pend. Le 10 septembre, on lève le poing. On coupe les routes, leur politique va trop loin. Trop de mépris, trop de discours. On veut justice, pas des détours. Du fond des halls à la campagne, les mêmes galères, les mêmes montagnes. Assez de charges, assez de poids. Le 10 septembre, on parle pour soi. Ils ont cramé la caisse en notre nom, mais jure qu'ils n'ont fait que suivre le son. Payé à rien faire, à tourner en rond. Faut que ça change, qu'on dénonce le fond. La classe moyenne, pilier sans gloire, toujours imposé sans jamais rien voir. Pressé, saigné, toujours la cible, pendant qu'en haut tout reste risible. Et la classe populaire, au quotidien, porte le poids sans lendemain. Entre une petite salaire et grande coupe, c'est elle qu'on touche quand tout s'essouffle. Plus de couverts, plus de freins ni de gants. Nos vies, on crie maintenant. Peuple debout, sans costume ni cravate. Mais la rage au cœur et le feu sous la latte. Ça gronde fort, c'est plus des plaintes. C'est des braises, c'est plus des craintes. Assez d'attendre, assez de plier. Maintenant, faut se bouger. Le 10 septembre, on lève le poing. On coupe les routes, leur politique va trop loin. Trop de mépris, trop de discours. On veut justice, pas des détours. Du fond des halls à la campagne, les mêmes galères, les mêmes montagnes. Pas juste une date, c'est le début d'une riposte ingrate. Pour que demain on pleure que nos voix et que la rue impose ses lois. Bayrou, Bayrou, on arrive mon chou. Et oui, c'était le 10 septembre, du coup, des chanteurs anonymes. Et donc, on passe à un autre sujet. Et oui, malheureusement, le crime continue en Palestine. La mort rôde, et on sait qui la provoque en Palestine. On est pour l'instant sur le décompte officiel d'autour de 70 000 morts. Selon les services sociaux de, effectivement, du Hamas. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas à ce que dit le Hamas, bien sûr, puis ce sont des terroristes. D'accord, bon, on va s'arrêter là. Mais il y a aussi, il n'y a pas que Gaza, malheureusement. Il y a la Cisjordanie. Il y a la Cisjordanie, Didier, exactement. Et alors qu'on est en train de prendre le contrôle de la ville de Gaza et du reste, avec la volonté de faire évacuer les Palestiniens de Gaza. Enfin, on ne sait même pas comment il faut prendre les choses, comment il faut le dire aujourd'hui. Eh bien, on ne va pas s'arrêter là. Netanyahou ne va pas s'arrêter là. Il va ouvrir un nouveau front en Cisjordanie. Un nouveau front, donc, avec qui s'appelle, le projet s'appelle E1. Hein, oui, vas-y, tiens, dis-moi. Bah, c'est 3400 logements au bas mot qui seront construits en Cisjordanie, mais à partir de Jérusalem-Est et jusque loin en Cisjordanie, de façon à couper carrément la Cisjordanie en deux. Et en fait, le but, c'est de... D'ailleurs, c'est dit par Netanyahou et par ses ministres, notamment Smotrich et d'autres. C'est fait pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'un État palestinien, bon, qui était déjà... L'État palestinien qui ressemblait déjà à une espèce de bantoustan sud-africain dans le temps. Oui. Et qui maintenant devient, bon, avec la coupure de la Cisjordanie, qui deviendrait en fait de fait impossible géographiquement. Donc l'ONU a protesté comme elle proteste d'habitude. Antonio Guterres, ouais, oui. Mais bon, le gouvernement de Netanyahou a bien attendu. Même en Israël, d'ailleurs, ces grands travaux suscitent pas mal de, sinon d'opposition, en tout cas de critique. Mais bon, c'est pas ce qui va arrêter Netanyahou et ses ministres d'extrême droite. Enfin, lui-même est d'extrême droite d'ailleurs. Et voilà la situation. Donc, en plus de cette espèce de charnier qui est devenu la bande de Gaza, on a maintenant des grands travaux d'infrastructure qui visent à loger les colons en Cisjordanie et à, en fait, le Le but suprême, c'est donc de, du Jourdain jusqu'à la mer, de faire un grand Israël, donc qui inclura justement la liquidation du peuple palestinien, ou au moins ça, on lui demandera de partir, ou ça sera la valise ou le cercueil, comme on disait dans le temps de l'Algérie française. Voilà où on en est. Donc c'est vraiment une situation extrêmement pénible, même si les résistances continuent, même si il y a toujours des marches, il y a toujours des manifestations, il y a toujours des oppositions structurées. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même, depuis 2023, c'est extrêmement préoccupant. Oui, alors c'est ce qu'on entend aussi, ce qu'on comprend mal, mais c'est l'organisation même de l'ONU qui pose problème. Comme il y a dans le Conseil de sécurité, la Russie et les États-Unis, on voit pas trop comment on peut démerder cette opération, quoi. Alors maintenant, Macron décide de reconnaître la Palestine, bon, il est un peu temps et un peu tard pour le faire, mais on sait aussi, comme tu dis, la volonté claire, affichée de Netanyahou et de son gouvernement, c'est non à la situation à deux États. Et la solution à un État, j'imagine pas ce que ça pourrait faire. C'est pour ça que Netanyahou a quand même insinué que la mesure, en tout cas de Macron, de reconnaître un État palestinien, faisait de lui un antisémite. Enfin, c'est... Oui. Ça va quand même assez loin, tout ça. Mais bon, le problème de fond, c'est que, comme tu l'as dit, l'ONU, avec les États-Unis qui ont un droit de veto et qui sont quasiment le dernier soutien de... Ah oui. D'Israël, puisque quand même toute l'Europe, enfin une grande partie de l'Europe en tout cas, a basculé et que bon. Et 90 pays dans le monde. 90 pays dans le monde, oui. Mmh. Donc effectivement, c'est quel pays qui a rompu complètement ses. C'est la Turquie, j'ai entendu ce matin. Il y a eu la Turquie, oui. Qui a rompu complètement en Europe, ses relations. Il y avait quand même des grands pays comme l'Espagne, par exemple, l'Irlande, qui était quand même. Qui avait dénoncé la situation, mais bon. Ça n'empêche pas les affaires de continuer, donc même si la revendication d'un... Enfin, il y a eu des revendications pour un État palestinien, il y a aussi des revendications pour deux États en un, quoi. Mais bon, tout ça, ça devient caduque, comme disait Arafat en 88, avec justement ce plan qui s'appelle E1 et qui est quand même extrêmement mortifère pour la population de Cisjordanie. En fait, ce projet, c'est interrompre le dernier corridor entre la ville palestine de Ramallah, au centre de la Jordanie, et celle de Bethléem, plus au sud. Oui. Maintenant, on va passer à une histoire qui s'est passée près de chez vous. Oui. Ça s'est passé près de chez vous, en Belgique, en fait, et c'est presque le sourire. Sachez que depuis 2018, les étudiants en droit de l'Université libre de Bruxelles votent pour le nom de la personne qui portera le nom de leur promotion. Il y a eu Robert Badinter, il y a eu Simone Veil, et aujourd'hui, coup de théâtre, il y a Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise. Comme on sait... On tape suffisamment sur elle pour savoir qu'elle existe. Curieusement, pour la première fois, le président de l'université a mis en cause le vote des étudiants. Ça se serait fait sans contrôle vraiment. Il n'y aurait pas eu que des étudiants qui ont voté. Donc, on annonce un vice de procédure. Donc, très normalement, on revote. On revote. Et on revote, pareil. Les étudiants ont décidé que c'était Rima Hassan. Mais c'est pas fini, il faut passer par le conseil facultaire, ça s'appelle comme ça, à l'Université libre de Bruxelles pour les juristes. Entre-temps, il y a eu des protestations, des lettres de Kouchner, de Luc Ferry, et puis on a même appelé à boycotter les étudiants qui vont sortir de la promotion Rima Hassan sur le marché de l'emploi. C'est absolument hallucinant l'énergie qu'on consacre à être... être complètement fou. C'est complètement fou, quoi. C'est inacceptable. Et puis c'est pas fini, puisque il a fallu que le conseil facultaire se réunisse. C'était jeudi, tout simplement. Et le conseil facultaire, qui réunit bien sûr les étudiants, mais les chercheurs, les doctorants, les enseignants de la faculté de droit, ont confirmé le vote de la majorité des étudiants. Le choix du nom, c'est très clair, nous dit le doyen de la faculté, le choix du nom de la promotion 2025 est le résultat d'un vote démocratique auquel les étudiants ont procédé après réflexion. Nous y avons veillé, dixit Pierre Klein, donc doyen de la faculté de droit et de criminologie. Cette décision leur appartient, nous devons la respecter. Et sachez que ce n'est pas tout à fait fini, puisqu'il y a un certain Alain Destecht, c'est ancien sénateur MR, donc MR chez les Belges, c'est le mouvement réformateur. Mmh. Il a donné sur un réseau social quelconque la liste des prénoms et de la filière d'étudiants, en faisant remarquer, c'est des noms arabo-musulmans, ajoute-t-il, à l'image de la population bruxelloise. Quand même extraordinaire. Mais l'affaire ne se termine pas là. Le président, et là chapeau, le président de l'ULB, porte plainte pour incitation raciale contre cet ancien sénateur, supposé être un sénateur modéré. Voilà, les modérés d'extrême droite, ça existe aussi. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a quand même, enfin, les manifestations pour Gaza sont quand même importantes. Et d'ailleurs, il y a eu, en juin, il y a eu une marche entre Paris et Bruxelles, donc ouais, pour Gaza. Et bon, un peu comme en Angleterre, comme dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas, il y a quand même une résistance qui est beaucoup plus importante, en tout cas qu'en France, pour Gaza et contre le gouvernement israélien. Donc c'est bon, l'affaire Rima Hassan vient un peu dans ce contexte-là, avec une population qui est très mobilisée quand même sur la situation à Gaza. Alors je rappelle aussi que Attac et la FPS travaillent ensemble sur Gaza et puis sur la question palestinienne. Des rendez-vous réguliers, notamment devant la BNP à Lille. Oui. Bien. Alors. Et pour finir, oui. Oui, alors pour finir, On va parler du budget Bayrou. Voilà. Vous ne pouvez pas ne pas en parler. Hein. Non, ne pas en parler. Et Christian, pourquoi, du coup, tu dis que Bayrou est un Premier ministre insignifiant ? Oui, enfin, j'ai pas trop réfléchi en l'écrivant, mais ça m'a obligé à réfléchir un peu après. Oui, enfin, la question, c'est ça, quoi. Pour moi, enfin, je reprends la question à l'envers. Le budget est un acte important. Le budget est un acte important, et c'est un acte contraint, en plus. C'est un budget qui doit montrer la voie au pays. Et il est contraint parce qu'il est contraint par le mandat présidentiel. Il y a 5 budgets pendant le mandat présidentiel. Et donc, c'est compliqué à faire et donner des idées. Chez Bayrou, non. Bayrou, il va se contenter de parler d'un chiffre. Et puis de faire des menaces. Voilà la présentation de son budget. Alors, insignifiant, il y a quand même des éléments qui sont troublants chez Bayrou. Je me souviens que la première intervention de Paul Vannier, donc député FI à l'Assemblée, qui parlait effectivement de Betarame, la réponse de Bayrou a été assez troublante, parce qu'il a parlé de polémique, comme s'il s'agissait de polémique lorsqu'il est question de sévices, y compris sexuels, aux enfants. Il a parlé de polémique. Ensuite, plus curieux, si vous vous souvenez bien, ses collègues proches du MEDEM ont dit que c'était un fainéant, tout simplement, qui ne préparait jamais ses dossiers, qui les lisait à peine, et en plus, le procès, la commission d'enquête l'a prouvé, en effet, que ce qu'il disait, c'était plutôt des mensonges, plutôt par omission, on est d'accord, mais il a contredit sa fille, il a accusé la prof de maths de santé mentale un peu moyenne, enfin voilà. Voilà ce que j'appelle quelqu'un d'insignifiant, quoi. Dangereux, mais insignifiant, mais dangereux. Je reviens au budget. Alors, le budget, je disais, c'est pour Bayrou, c'est un chiffre. Il a dit 40 milliards. La presse parle de 44 milliards. Je suis obligé de rectifier ce que dit la presse. Ce n'est pas 44, c'est 43,8, puisque aux 40 milliards, Macron en a ajouté 3,8 pour la défense. Et donc, voilà, ça fait 43,8. 43,8 de déficit, c'est ça De d'économie à faire. À d'économie à faire. Voilà. Et bon, voilà, la menace, ben, il faut coter Bayrou, je ne sais pas limiter, j'aimerais bien. Nous sommes menacés, voilà, dit-il, nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, c'est le surendettement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des efforts à faire. La dette publique devrait, je continue, hein, toujours Bayrou, devrait représenter 116,2% du PIB en 2025 pour une charge de la dette, toute administration publique confondue, de plus de 66 milliards d'euros. Ce niveau très significatif nous oblige à redresser nos finances publiques car il met en danger notre souveraineté financière. Monsieur Bayrou, c'est monsieur, c'est comme ça. Il n'innove pas, ça c'est pas le genre, et de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Il faut faire face à la dette. Je rappelle que Hollande nous avait déjà fait le coup. Il n'y a pas d'alternative. Avec son équipe social-démocrate, Jean-Marc et Pierre notamment, je vous laisse deviner, retrouver les prénoms, les noms, les patronymes, et puis les suivants, dont Gérald et Édouard. Édouard particulièrement, l'obnubilé de la dette. Il faut la rembourser. Et pour faire comprendre, tous nous racontent la même histoire, histoire que Sandra Lucbert, dans son livre « Le ministère des comptes publics », déconstruit en 6 verbes. Cuculiser, commencer par nous prendre pour des cons, on aurait tendance à se dire « se foutre de notre gueule ». Inverser, mettre à l'envers ce que nous, pauvres peuples, sentons à l'endroit, c'est pour notre bien que des maternités ferment, bien sûr. Moraliser, bien sûr, vous savez bien qu'il faut payer nos dettes, vos dettes dans la vraie vie. Les boomers, là. Oui, en plus, oui. Terroriser, vous savez ce qu'on risque tous ensemble si nous ne faisons pas l'effort. Techniciser. Tartiner d'économique avec du vocabulaire abscon, notre 116,2% du PIB, voilà. Escamoter, et ça c'est le plus important, escamoter la cause des effets éprouvés, on parle d'année blanche au lieu de pouvoir d'achat en baisse. Voilà, on aura bien compris, Jean-Marc. C'est à Jean-Marc qu'attribue Sandra Lucbert cette phrase magnifique. La dette, c'est moins d'écoles, moins d'hôpitaux, moins de crèches. Donc, il faut réduire la dette pour que se bâtissent écoles, hôpitaux et crèches. Magnifique. C'est bien sûr. En fait, tout s'exprime, il ne faut pas oublier que tout s'exprime le triomphe d'un groupe sur un autre. Ils parlent comme si tout le monde allait y gagner. Et de leur côté, rappelons-nous que les marchés financiers n'ont de soucis que le patrimoine des leurs, ceux qui sont dans les marchés financiers et qui font leur beurre des marchés financiers. Le projet de budget 2026, ça c'est Christian Chavagneux, rédacteur en chef de l'Alternative économique qui parle. Le projet de budget 2026 propose une austérité injuste qui va faire des ravages sur les marchés du travail et il ajoute « La science politique nous dit que ce genre de politique conduit à une montée de l'abstention et sert l'extrême droite. » Alors, évidemment, ce n'est pas complètement fini. Il y a aussi que Bayrou met son titre en jeu. Là, je crois qu'on va en parler tous les trois, quand même. Le 25 août 2025, Bayrou annonce qu'il va engager la responsabilité du gouvernement. Comment tu vois les choses, Didier ? Bayrou, effectivement, donc demande un vote de confiance et on a quand même... Tout porte à croire qu'il sera dégagé, donc ouais. Il joue un peu avec le feu, mais bon, de toute façon, son budget, il y a Sophie Binet de la CGT qui parlait justement de musée des horreurs, en parlant de son budget, donc un budget qui est complètement antisocial, qui culpabilise tout le monde. Bon, hier, il disait déjà que c'était le bateau France est en train de couler, enfin, il y a tout un discours... complètement négatif, enfin, non seulement négatif, mais culpabilisant. Voilà, je crois que c'est fort important de signaler ça. Bon, il y a des gagnants dans le budget, c'est l'armée, ça on a bien vu. Et donc on est parti dans un gouvernement qui fait le choix de la guerre, pour l'instant, avec le président en tête d'ailleurs. Mais il y a aussi des perdants, ce que tu viens d'évoquer un peu, c'est les perdants, c'est l'État, d'abord. 3000 fonctionnaires. Les services publics. Les services publics. Suppression de 3000 postes par non-remplacement des fonctionnaires. Et puis, les perdants, c'est les malades. 5,5 milliards de coupes dans la santé. Les collectivités locales, on prend plein la tête aussi. Moins 5,3 milliards. Les retraités, ils verront le rabattement de 10%. Pour frais professionnels, rappelez-vous, si vous avez une feuille d'impôt, si vous êtes retraité, transformé en réduction forfaitaire de 2000 euros. Et les plus modestes, les minima sociaux et les tranches d'impôt sur le revenu ne seront pas valorisées à hauteur de l'inflation. Idem pour les prestations sociales. De toutes ces revalorisations, le gouvernement attend une économie de 7,1 milliards. Et on n'oubliera pas les fameux jours fériés. C'est de ça dont il voulait parler, peut-être, non ? Non, non, sans parler d'une nouvelle réforme d'assurance chômage, donc oui. Qui avait déjà, qui avait été abandonnée quand Bayrou avait été justement, quand Barnier avait été aux affaires après en juillet 2024. Mais ce qui est aussi, tu as parlé des retraités, mais c'est bon. Bayrou utilise souvent dans ses discours le côté boomer, c'est-à-dire les gens qui sont nés en gros après la Seconde Guerre mondiale, qui auraient bénéficié des 30 Glorieuses, qui auraient eu, qui ont je sais pas combien de maisons, qui ont je sais pas combien de capital. Enfin, on a l'impression, alors qu'il y a énormément de retraités qui sont au minima sociaux, on a l'impression que c'est une vision complètement idyllique de gens qui sont... qui sont maintenant en retraite et qui seraient justement, qui sacrifieraient les jeunes générations. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez minable et d'assez pitoyable de sa part. C'est toujours la même manœuvre de monter les uns contre les autres. Bien sûr, hein. Diviser pour gagner. En effet, oui. Maintenant, je voulais parler quand même il y a eu une interview de Clémentine Autain dans Libération d'aujourd'hui, là, sur. Qui parlait pour sortir un peu de la situation par le haut, si on peut dire, d'un référendum justement sur des notions budgétaires. Donc, elle proposait évidemment la proposition Zucman, donc qui était 2%, je rappelle, pour les ceux fortunes. Qui n'écoutent pas Radio Campus au mois de juillet. Ouais. Il y avait aussi une taxe sur les multinationales en les incitant à payer leurs impôts dans les pays où elles font des profits et revoir les aides aux entreprises donc en fonction des critères sociaux et écologiques. Donc elle proposait elle et son mouvement qui s'appelle Après un référendum sur ces questions budgétaires. Donc c'est une proposition qui à mon avis est quand même intéressante même si ça fait pas un projet politique total mais enfin bon. C'est quand même quelque chose, quoi. Oui, je pense que c'est effectivement... C'est des choses qui font partie aussi des projets, y compris de la NFP. Hein. La taxe Zucman avait été intégrée dans le programme. Oui, alors, bon, ce 8 septembre, il y a aussi le fait que... Bayrou va essayer de désamorcer le 10 septembre. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Une manière d'enjamber le 10 septembre, mais bon, oui. C'est risqué. Quoi. Voilà. Le budget sera présenté fin septembre, je crois. Le 23 septembre, oui. Le 23 septembre, oui. Jour de la rentrée parlementaire. Voilà, le jour de la rentrée parlementaire. Merci, Florent. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je disais aussi que toutes ces manœuvres, toutes ces... L'idée que Bayrou, c'est aussi de faire regarder le Parlement est incapable de prendre ses responsabilités. Et en votant contre nous, il provoque le chaos. Mais est-ce que tout ça se ferait sans Macron ? J'en doute beaucoup. Voilà. Je pense que derrière ça, il y a Macron. Et Bayrou est un fusible volontaire, en fait. C'est plutôt comme ça qu'il voit... Ou alors, peut-être prévoit-il de se présenter aux élections en 2027 contre François Hollande, par exemple. Ça fait quand même longtemps qu'il se présente aux présidentielles. Hein. Ouais. Et en tout cas, Bayrou ne cite pas Macron dans ses déclarations. Pour lui, son grand homme, c'est Pierre Mendès France. Hein. Faut le savoir quand même. Oui. Ça peut faire sourire, mais bon. Oui, ça peut faire sourire. Et Mendès France ne doit pas du tout apprécier. Dans sa tombe, voilà. Je crois qu'on va s'en arrêter là. On va arrêter là. Et donc, on se retrouve en septembre. Le 20 septembre. Le 20 septembre. Et on va parler de la presse pas pareille. Ouais, on va poursuivre l'atelier de l'université d'été. Et j'ai découvert un remarquable journal qui s'appelle L'Empaillé. Dans la Gironde et si je suis présent parmi vous le 20 septembre, je parlerai d'articles assez intéressants de L'Empaillé. Très bien. Je signale aussi qu'il y a un syndicat de la presse pas pareil qui existe. Oui, en effet, mais on en reparlera. Très bien, bah, merci, bon week-end à vous et bonne rentrée. Sur les plateaux, en costume sombre, il nous explique dans la pénombre que la nation est au pied du mur et que l'avenir, ma foi, est bien dur. Ils ont des graphiques, des chiffres savants pour nous prouver qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut se serrer la ceinture d'un cran pendant que leur train de vie est sur grand écran. La main sur le cœur, ils nous font la leçon, mais c'est toujours nous qui payons l'addition. Encore un effort, nous disent les grands pontes, pendant qu'ils augmentent leurs propres comptes. Encore un effort pour remplir les caisses, que leurs dépenses, elles, ne connaissent pas de baisse. C'est nous la variable d'ajustement pour leur gestion hors sol depuis bien trop longtemps. Les frais de fonctionnement explosent sans gêne, 100 milliards de plus qui sortent de nos veines. Les cabinets conseillent les 1000 comités pour des résultats qu'on ne voit jamais. On nous culpabilise, on nous dit c'est de votre faute si les comptes de l'État sont à la déroute. Ça fait 40 ans qu'on entend la rengaine et qu'on voit le pays se vider de sa laine. Ils nous accusent, le ton est professoral pour faire oublier le véritable scandale. Encore un effort, nous disent les grands pontes, pendant qu'ils augmentent leurs propres comptes. Encore un effort pour remplir les caisses, que leurs dépenses, elles, ne connaissent pas de baisse. C'est nous la variable d'ajustement pour leur gestion hors sol depuis bien trop longtemps. Elle s'effrite un peu plus face à ce mépris, à tous ces surplus. Ils nous parlent d'un effort collectif et national, mais l'effort demandé n'est jamais égal. Le peuple est patient, mais il n'est pas idiot. Il voit bien qui rame et qui est sur le bateau. Encore un effort, nous disent les grands pontes, pendant qu'ils augmentent leurs propres comptes. Encore un effort pour remplir les caisses, que leurs dépenses, elles, ne connaissent pas de baisse. C'est nous la variable d'ajustement pour leur gestion hors sol depuis bien trop longtemps. Encore un effort, juste un petit effort. Encore un effort jusqu'au prochain. T'as voulu voir Attal et on a vu Barnier. T'as voulu voir Barnier et on a vu Bayrou. Et on a vu Bayrou du Béarn arriver, nommé Borne qui était à sa place l'an dernier. Et Borne passe de Matignon à l'éducation, là où Bayrou était il y a 30 ans sous Juppé. Trop stylé. En septembre, Darmanin est rentré à Tourcoing. Même pas le temps de respirer, le revelà en janvier. Tandis que Place Beauvau arrivait Retailleau, on se disait au moins on a plus Darmanin. Mais Bayrou est taquin et rappelle Darmanin, cadeau de Noël foireux, maintenant on a les deux. Qui dit mieux? Mais je te le dis, on n'y comprend plus rien. Depuis le mois de juin, on ne sait plus qui est qui, on ne peut pas s'attacher. Les ministres s'en vont sans même nous...